acheter le médicament parce qu'il est à chaque place. On va parler donc d'une façon générale, on va parler définir, on ne va pas parler donc d'un effet secondaire, disons, type hémorragique, type perforation, type hémorragie. On va définir comment d'abord, qu'est-ce qu'on entend par effet secondaire. Vous allez voir qu'il y a une classification après la définition. On va définir qu'il y a des effets secondaires qui sont visibles. On les attend. On sait ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est lié à leur propriété pharmacologique. Et que vous allez voir que ce sont donc des effets secondaires qui sont dose dépendants. On peut donner, par exemple, l'aspirine. L'aspirine a très faible dose qui est donnée en cardiologie. Pourquoi? Parce qu'il a un effet anti-agrégant plaquettaire. Donc, on peut le donner à dose un peu plus forte. On en ramène donc de 100 mg à 500 mg. Et on a un effet antipyrétique, antifièvre. On augmente carrément les doses et on passe d'un effet antipyrétique jusqu'à un effet anti-inflammatoire. On peut le donner également entre les deux chez certains sujets parce que l'aspirine est un uricosurique, c'est-à-dire qui favorise l'élimination de l'acide urique. On peut le donner dans le traitement de la douleur. Donc vous constatez que, à différentes doses, les propriétés pharmacologiques ou les réponses sont différentes. Mais il faut faire attention, ce qui était primaire dans certains cas peut devenir secondaire. On ne peut pas donner, bon, j'ai un sujet, on risque de donner, quand on prescrit à forte dose de l'aspirine, et bien on risque d'avoir des saignements, des épistaxis, des pétéchies, d'accord ? On risque d'avoir également des hémorragies. Parce qu'on sait déjà que l'aspirine, à 100 mg, est un anti-agrégant. Donc il diminue le pouvoir de coagulation et de ce fait, cet effet est attendu. Il devient un effet secondaire. D'accord ? Et donc ces choses, on va les classer. Et vous allez voir qu'il y a des effets secondaires auxquels on ne s'attend pas du tout. On ne va pas les voir aujourd'hui. On va voir des effets secondaires non dépendants et ce qu'on appelle des effets imprévisibles. Ils sont imprévisibles. Sur quelle base? On va les voir ultérieurement. On est bien d'accord? Donc, en grand 1, définition. Je vous laisse prendre qu'il y a deux définitions différentes. Et après, on va commenter les deux définitions. Je vais vous demander essayez de voir la différence entre les deux définitions. Ce sont deux définitions qui sont données à deux ordres différents. Ils ont chacune de l'importance quand je vous demande la question. fait qu'il apparaisse chez l'homme un des 12. Non. On va parler dans une même famille pourquoi une personne serait à la lecture de la pénicilline. D'accord ? Ce sont des effets non recherchés et qui peuvent apparaître aux doses. D'accord ? Normalement utilisées. C'est pour cela que j'ai dit que on va, vous allez voir que la classification regroupe les deux définitions. Quand vous avez mis grande 1 définition, grande 2 classification. Vous allez voir qu'on les divise en deux. Il y a des effets secondaires prévisibles. Prévisibles, on s'attend. D'accord ? Soit on s'attend parce que c'est un problème avec le malade, soit on s'attend parce qu'on connaît la molécule. On sait que les bêta-lactamines sont allergisantes. D'accord ? Donc il y a des effets qui sont prévisibles. Mais faites attention, prévisibles sur la base, donc là les définitions changent. Sur la base de propriétés pharmacologiques. On sait que telle molécule a ça, ça, ça comme propriété, comme action. Mais ça, on va donner l'exemple. Vous allez voir les exemples. Quand on donne un antiviral tel que Vimafen, Vimafen possède 3 molécules. Et donc, un antipyrétique, le paracétamol fait un vasoconstricteur pour déboucher le nez et fait un antihistaminique. Et c'est pour cela, quand vous prenez certains médicaments maintenant, qui existent, qui mettent UMEX, c'est le type, ils mettent le médicament matin par le soir. Les bases, quand vous prenez, il y a 4 comprimés par rangée, les 3 premiers sont blancs et le dernier est coloré. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne contient pas un antihistaminique. Les trois premiers ne contiennent pas un antihistaminique. Parce que l'antihistaminique a un effet sédatif. Il relâche. Et il dit, donc, il est préférable de le donner le soir. Pourquoi ? Parce que ça permet, vous avez le nez débouché, vous avez un effet antipyrétique. Si vous venez dormir, c'est un relâche. Mais il est interdit de le prendre le matin, surtout dans une population, tout simplement, si c'est un conducteur de bus, ou là, de tracteur, ou là, de menuisier, de l'architecte. Pourquoi ? Parce que l'état de somnolence va conduire des accidents. La même chose, on sait qu'un sujet qui a des allergies, on ne donne pas de la polaramide. Sinon, on lui demande, on lui pose qu'on lui donne un congé. Parce que la polaramide, en tant qu'anti-allergisant, est également sédative. On connaît sur la base des propriétés pharmacologiques. Donc à ce moment-là, on fait tout pour éviter. Soit on ne donne pas cette molécule, soit on met le malade, vous êtes obligé de mettre le sujet en état de repos, soit carrément de dire que cette molécule, vous la prenez, c'est l'orientation, vous la prenez le soir. D'accord ? Parce que l'effet ne dérange pas le soir. Donc c'est basé sur les propriétés pharmacologiques. Ce sont des effets qui sont dose dépendants, c'est-à-dire que cet effet ne peut apparaître qu'à partir d'une certaine dose. D'accord ? J'ai un effet antigoutteux qu'à partir d'un aspirine, que si je dépasse les 15 grammes. Si je donne 1 gramme à mon malade, je n'aurai pas cet effet. Ce sont des effets qui peuvent apparaître très fréquemment, leur incidence. Mais le risque d'accident thérapeutique, la nocivité est minime. Elle est faible. Ils apparaissent fréquemment, mais sur le plan de gravité, c'est minime. Contrairement aux réactions imprévisibles, auxquelles on ne s'attend pas, ils n'ont aucune relation avec les propriétés pharmacologiques. C'est des effets qui peuvent apparaître brutalement chez une population donnée. Ils n'ont aucune relation, ni avec les propriétés, ni la dose. Ils peuvent apparaître à forte dose, comme ils peuvent apparaître à très faible dose. La fréquence, elle est très faible, mais le risque de nocivité, quand on l'a, on perd beaucoup de malades, comme ça. Donc le risque létal est très important. Voilà comment on classe les effets secondaires. Ils sont prévisibles, ils sont imprévisibles, ils sont liés aux propriétés pharmacologiques, non liés aux propriétés pharmacologiques, ils sont dose dépendants, ils sont dose indépendants. L'incidence est grande, l'autre incidence est faible, l'autre la nocivité est faible, par contre l'autre nocivité est très importante. Donc après classification, on va voir la première classe. La première classe, ce sont donc les effets secondaires, dose dépendants, liés aux propriétés pharmacologiques, etc., etc. Donc, 1, 2, 3, troisièmement, effets secondaires, dose dépendants. Effets secondaires, dose dépendants. Je dis, avant donc d'expliquer, vous notez que on distingue deux, on distingue trois cas de figure. On distingue trois cas. On distingue trois cas. On distingue trois cas. Pour étirer, soit que l'effet, j'entends par l'effet secondaire, soit que les effets sont indissociables. Soit que les effets sont indissociables, on ne peut pas les séparer, sont indissociables des effets pharmacologiques. Par une action directe par une action directe par une action directe liée à l'activité primaire du médicament. Par une action directe liée à l'activité primaire du médicament. Exemple, une hypokaliémie avec des salibilités. Une hypokaliémie avec des salibilités. S-A-L-I, salibilités. Salibilités, parce que c'est pas avec tout les diurétiques. C'est une classe qu'on va voir ultérieurement. Avec les salibilités. Une cytotoxicité avec le cis latine. Cis, c'est écrit C-I-S. Avec le cis latine, c'est un médicament utilisé par l'oncologie en chimiothérapie. Le cis latine. Cytotoxicité induite par le cisplatine, on met en parenthèse, chimiothérapie. Cis s'écrit pas S, c'est C. J'explique cette partie. J'ai dit que les effets secondaires sont indissociables. Social des effets primaires. Ils vont ensemble. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il est lié à l'activité primaire ou bien lié à une des propriétés ? À une. On va commencer par lié à l'effet primaire. Comme si vous aviez une veilleuse à la maison, il y a un fil et une prise. Dans la prise, il y a deux têtes. D'accord ? Si vous cassez une tête et que vous mettez votre fiche dans la prise, la vie ne va pas s'allumer. D'accord ? On n'a pas le choix. Il y a dans la prise, il y a la tête. Primaire, c'est comme dans une prise, il y a le fil conducteur et le leurre. Vous êtes d'accord ? Ça va ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier. Vous ne pouvez pas donner un médicament dans le traitement de l'hypertension avec des salis diurétiques sans risque d'avoir une hypokaliémie. Il y a un risque. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fuite potassique qui se produit et automatiquement il y a une hypokaliémie. C'est un effet secondaire prévisible de par le mécanisme d'action. C'est un effet secondaire, on s'attend. Ce n'est pas un effet secondaire qui est lié à la dose. C'est un effet secondaire qui est lié à la propriété du médicament. On ne peut pas avoir le plus sans avoir le moins. On est d'accord ? Ça, vous ne pouvez pas traiter un malade, d'accord, qui a un gros cerveau prostal en verdissant la cystatine sans avoir destruction des globules blancs et des globules rouge. Là, une anémie. Pourquoi ? Parce que le médicament ne va pas cibler les cellules cancéreuses et va laisser les cellules saines. Quand il va détruire aussi bien les cellules cancéreuses, donc il va arrêter la multiplication des cellules. Mais en même temps, indirectement, il arrêtera la multiplication des cellules saines. Et c'est pour cela que vous verrez chez ces malades des anémies et des risques infectieux parce qu'il y a moins de globules rouges. Donc, indirectement, c'est pour 21 jours quand la cellule est détruite. Et ce sont des sujets qui sont assujettis aux infections. C'est pour cela qu'on est obligé de les mettre en chimie, en antibiotique, en sous-antibiothérapie. Sinon, on fait également des transfusions avant chaque séance de chimiothérapie. On est en transfusion. Parce que si l'anémie est sévère, on arrête les traitements. Parce qu'on risque de faire de mal. On est d'accord? L'effet secondaire accompagne l'effet primaire. On n'a pas de choix. Deuxièmement, ça c'est par une action directe. Soit par une action indirecte, soit par une action indirecte, liée à une des propriétés pharmacologiques, liée à une des propriétés pharmacologiques, non la principale. Pas obligatoirement, la principale. À une des propriétés pharmacologiques, pas obligatoirement, la principale. Des exemples, quand on donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on a un risque ulcère. Parce qu'on sait que les corticoïdes et les ARS sont ulcérogènes. Ça, c'est connu. Pourquoi? Parce que vous verrez, on le fera ultérieurement, que ce sont des molécules qui inhibent la prostaglandine. Les anti-inflammatoires. Et la prostaglandine joue un rôle très important. Non corticoïdien. La prostaglandine diminue la protection de l'estomac. Et indirectement, l'acidité va provoquer l'ulcération. La membrane devient fragile. La paroi gastro-intestinale. Là, c'est lié à une des propriétés. On a donné le médicament pour avoir un effet anti-inflammatoire. Là, on a un effet autre. C'est un effet ulcérogène. Vous donnez des aminosides. Les aminosides sont bactériostatiques. Et à côté de cela, qu'est-ce qu'on observe? On observe un effet auto-toxique. Malade, traité par des aminosides, si on ne fait pas attention, le premier signe d'effet secondaire, c'est négatif. Si on ne règle pas les posologies, eh bien, ça va être une atteinte. OTS, la vie des malades vont devenir sourds. Ça n'a rien à voir avec l'effet primaire. L'atteinte d'oreille, la tête, n'a rien à voir avec l'atteinte au niveau rénal. Parce que les aminosides sont des molécules hydrosolubles qui traitent toutes les pathologies infectieuses rénales. L'effet secondaire se situe ailleurs. Là, c'est un effet secondaire qui est lié à une des propriétés et non à l'activité primaire qui est un effet bactériostatique. Ce n'est pas l'effet bactériostatique qui entraîne la surdité. Dans le premier cas, je l'ai dit, vous avez une hypocalcémie parce que les médicaments, en arrivant sur l'ADH, vont provoquer une fuite potassique. Là, c'est un effet qui est couplé. Dans le deuxième cas, l'effet n'est pas couplé à l'activité primaire, il est ailleurs. C'est un effet secondaire qui est en relation avec une des propriétés. Quand dans le cas des ARS, les ARS ont une action, c'est vrai, sur carrément les prostaglandines, mais au niveau du système nerveux central, mais les ARS ont une action également inhibitrice sur les prostaglandines de la muqueuse gastrique. Le lieu est différent, mais l'un est responsable de l'effet primaire, l'autre est responsable de l'effet secondaire. Je vous ai donné également tout à l'heure l'exemple des antihistaminiques. Les antihistaminiques agissent sur la libération histamine. L'effet hypnosédatif est ailleurs. C'est au niveau du système nerveux central et non sur le système périphérique. On est d'accord? Là, soit on a une action directe qui est liée à l'effet primaire, soit liée à une des propriétés. Est-ce que c'est clair? Notez que j'ai dit soit c'est un effet qui est indissociable, d'accord? Les effets secondaires sont indissociables, c'est ça? Soit maintenant par une manifestation. J'ai dit soit. J'ai dit par trois cas de figure, on a vu deux. On voit le troisième, d'accord? Soit c'est une manifestation C'est-à-dire que l'effet secondaire, c'est quoi? C'est une manifestation exagérée de l'effet primaire. C'est une réponse exagérée, c'est-à-dire maintenant, c'est l'effet primaire qui devient l'effet secondaire. Et on parle d'une forme de surdosage relative. C'est une forme qui n'est pas un surdosage. La dose, la posologie que vous avez donnée à votre malade est normale. Qu'est-ce qui est anormal? C'est la réponse. La réponse devient comme si vous avez donné deux fois la dose. Mais en réalité, vous avez donné une dose normale. C'est l'effet qui est exagéré. Et là, vous aurez à faire ce qu'on appelle la dose. Des sujets hyper, sont des sujets hyper actifs. C'est-à-dire que souvent, je vais vous donner des exemples, vous allez dans le cadre du traitement avec les anticoagulants. D'accord ? Vous pouvez donner une dose X et vous avez une diminution du TP qui est de l'ordre de 40%. D'accord ? Et souvent, pour avoir les 40% chez ce malade, vous êtes obligé de donner la dose X divisée par 2. Si vous donnez la dose X chez ces malades, et bon, vous allez avoir un risque hémorragique. Il y a une hémorragie. C'est pour cela, dans certaines classes thérapeutiques, vous êtes obligé, quand vous donnez ces posologies, c'est de le faire corréler avec les paramètres biologiques. Parce que certains sujets répondent mal. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on a une vitamine qui est synthétisée dans notre organisme. C'est la vitamine K, qui est liée à l'hémorragie, qui est liée en. Cette vitamine K est synthétisée à quel niveau ? Non. L'hépatite, non. Suivant. Approchez. Non. On a la physio. C'est un et c'est pour cela que souvent, certains malades, on revient, qui ont un régime mal équilibré, qui ont des problèmes intestinaux, et bien il va y avoir un équilibre, parce qu'on vous donne des posologies, et bien il y a toujours un équilibre qui se fait en ce que vous donnez en tant qu'anti. c'est pas un effet secondaire qui est lié à une des propriétés pharmacologiques. C'est l'effet primaire. C'est lui-même. C'est l'effet qui répond, au lieu de répondre à titre aberrant. D'accord ? Quand on a là, généralement ce qu'on a ici, on a du 220 volts. D'accord ? Si vous vous trompez que dans une maison, il a ce qu'on appelle une force motrice, et dans la force motrice, il y a 380 volts. Si vous branchez votre ordinateur plus de 380 volts, d'accord, il va venir. C'est ça ce qui se passe sur un organisme. Vous avez provoqué une décharge en intensité de réponse qui va provoquer votre cas. C'est l'effet primaire qui est exagéré, et c'est l'effet primaire qui devient effet secondaire. Et c'est pour cela, je reviens, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Voilà, attends. La batterie. La batterie. en médicaments, vous êtes d'accord? Non, qu'est-ce qu'on fait? Ne jamais interrompre une loi à un traitement. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup. Je commence par diminuer la dose. Je vois. Donc quand je diminue la dose, soit je suis en face d'un surdosage, soit je suis en face d'un sujet hyper actif. Je fais quoi même? Si les effets secondaires persistent, eh bien, je donne un correcteur. Vous avez un inhibiteur français. Si les effets secondaires durent, je change. Ça, c'est la conclusion.